Ici parle la radio Tabajara de la Paraíba au Brésil. Médium band 1700 kHz. Bande tropicale 4795. Estudio la rue Rodrigues de Aquino dans la cité João Pessoa, Brésil. This is Radio Tabajara from Paraíba. Middle wave 1100 kHz. Tropical wave 4795 kHz. Studios in Rodrigues de Aquino Street, João Pessoa, Brazil.